Chapitre deuxième. Un jeune homme se promenait tantôt à pas lents, tantôt à pas précipités sur l'obscur emplacement qui bordait à cette époque l'un des côtés de l'Alcazar. Ses vêtements étaient poudreux et en désordre. Ses cheveux épars et souillés retombaient le long de ses tempes, et l'on pouvait lire toute une histoire de douleur dans l'éclat sombre de ses yeux, la vivacité convulsive de ses mouvements, le mélange d'accablement et de haine que respirait sa physionomie. Il resta ainsi longtemps, le regard attaché sur les colonnes du palais, comme s'il eût voulu déchiffrer les inscriptions que les morts, partant pour l'exil, avaient laissées sur les murs de l'ancienne mosquée. Peu à peu, le crépuscule répandit son brouillard vaporeux sur ses vies, éclipsant sous ses ténèbres les dômes des académies arabes et les flèches dorées des églises. Tout à coup, l'inconnu s'arrêta et tressaillit, en distinguant dans l'obscurité un moine qui s'avançait dans la direction de l'Alcazar. Une longue soutane de satin, soutenue autour des reins par une cordelière à gland d'or, descendait jusqu'au talon du moine et ne recouvrait qu'à demi d'élégantes sandales de velours. Quand le nouveau venu ne fut plus qu'à une très courte distance du jeune homme qui l'observait avec une avide fixité, celui-ci quitta soudain l'endroit où depuis un instant il se tenait caché, et s'élança vers le moine en s'écriant « Don Enriquez, c'est moi !»« Mais qui donc es-tu ? » murmura le chanoine d'une voix où la surprise le disputait à la crainte. « Tu ne me connais pas ! » répéta Gilles avec un accent sauvage. « Tu ne connais pas le fils d'Antonio Pérez. Tu oublies que ta victime avait un enfant, et que cet enfant deviendra un homme. Il y a 8 jours que je guette ici ton passage pour te trouver enfin seul à seul et te dire « Tu as tué mon père, tu as condamné ma mère à 10 longues années de désespoir. Ton souvenir s'est placé comme un sanglant obstacle entre moi et le bonheur. Prie Dieu, assassin, le moment de l'expiation est venu. Tes cris seront sans écho à cette heure, ton sang ne se verra pas dans l'ombre. » En entendant les paroles de l'artisan, en voyant ses yeux étincelants, ses lèvres pâles, tous ces symptômes d'une colère inflexible, d'une résolution inébranlable, Don Enriquez, qui avait pu croire jusqu'alors que le caractère dont il était revêtu intimiderait le fils de Pérez, sentit s'évanouir cette espérance. Il comprit que l'abaissement, l'humilité, la prière étaient les seuls moyens de salut qui lui restassent en ce moment terrible, l'unique bouclier qui pût peut-être protéger sa vie. Un meurtre involontaire n'est pas un crime, dit-il en joignant les mains. « J'ai tué ton père, mais le ciel sait que je ne désirais pas sa mort. D'ailleurs, est-il de faute que le remords ne puisse s'effacer ? Que veux-tu ? Que désires-tu ? Si élevée que soit ton ambition, j'ai le pouvoir de la satisfaire. Je t'arracherai à la misère. Je t'assurerai une fortune brillante. Je te ferai puissant, considéré. Et heureux, n'est-ce pas ? Peut-être. Tes dons ressusciteront-ils ta victime ? Ils lui serviront à lui élever une tombe. Et tu penses qu'à ces conditions, je pardonnerai à son assassin ? Jésus-Christ a pardonné à ses bourreaux. Tu oublieras ma faute pour ne plus voir que mon repentir. Oh non, non ! S'écria Gilles Pérez. Tu ne rachèteras pas ton crime par des larmes, quand tu devrais passer ta vie entière à en répandre. Ton honneur a bien pu corrompre la justice, mais je serai moins vénal que la loi. Je serai plus sévère que Dieu. En parlant ainsi, le fils du cordonnier saisit le chanoine à la gorge. Une lutte affreuse mais courte s'engagea. Elle se termina par un coup de poignard et par un indicible cri de douleur. Gilles se baissa sur le col d'Enriquez, comme pour y chercher un reste de vie qu'il n'y trouva pas. La sueur ruisselait larges gouttes sur son front. Il regarda avec une amère tristesse, avec une secrète épouvante, le sang qui tachait ses vêtements et ses mains. « Oh, Gomez, Gomez » s'écria-t-il, « qu'il faut de courage pour venger son père par l'assassinat !»